Voici votre plus récent bulletin d'information, le sport local et régional, au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant du... on revient sur la performance exceptionnelle de l'équipe de Mélina Perron qui a réussi à remporter le championnat québécois de curling. Il va représenter le Québec au tournoi des Cœurs Scott qui aura lieu en Colombie-Britannique très très bientôt. Et hier, on a parlé avec son entraîneur, Joël Gagné. Et il mentionne évidemment que la vie a commencé vraiment à chambarder ou à changer depuis dimanche, explique l'entraîneur de Mélina Perron, Joël Gagné. Les médias sociaux, on a peine à suivre. On a une page Facebook Équipe Gagné. Ça explose les messages là-dessus. Là, moi, je pense que je vais mieux dormir à partir de ce soir parce que là, le stress, l'énervement, puis en plus de toutes les gens qui nous abordent, moi, hier, aujourd'hui, c'est que là, il faut régler les contacts avec Curling Canada, les agences de voyage, en fait, tout ce qu'il y a à préparer. C'est au niveau des équipements, c'est au niveau de tout. Là, les choses commencent à se mettre en place, il reste des petites choses à régler. Mais là, à partir ce midi, on a tenu une pratique d'équipe ici au club à Riverbend. Puis possiblement une ou deux autres encore avant, puis parce que Mélina étant de Dolbeau, ben oui, elle pratique à son club là-bas, mais les quatre ensemble, des fois, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a trouvé la disponibilité de tout le monde, ils ont des petits travaux, ils travaillent... Parce que là, la vie continue au travers de ça. La vie continue. Alors là, moi, je pense que... En tout cas, moi, je réalise aujourd'hui, moi-même, comme entraîneur, puis comme père aussi, hein, c'est des fois, c'est assez... Et dans un deuxième temps, ben Joël Gagné explique évidemment qu'au niveau financement, ben les coffres sont à sec, mais ça devrait quand même bien aller, explique l'entraîneur-chef. Les médias sociaux, on a peine à suivre. On a une page Facebook Équipe Gagné. Ça explose les messages là-dessus. Là, moi, je pense que je vais mieux dormir à partir de ce soir parce que là, le stress, l'énervement, puis en plus de toutes les gens qui nous abordent, moi, hier, aujourd'hui, c'est que là, il faut régler les contacts avec Curling Canada, les agences de voyage, en fait, tout ce qu'il y a à préparer, c'est au niveau des équipements, c'est au niveau de tout. Là, les choses commencent à se mettre en place, il reste des petites choses à régler, mais là, à partir ce midi, on a tenu une pratique d'équipe ici au club à Riverbend. Puis possiblement une ou deux autres encore avant. Puis parce que Mélina étant de Dolbeau, ben oui, elle pratique à son club là-bas. Mais les quatre ensemble, des fois, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a trouvé la disponibilité de tout le monde. Ils ont des petits travaux. Ils travaillent. La vie continue au travers de ça. La vie continue. Alors là, moi, je pense que, en tout cas, moi, je réalise aujourd'hui, moi-même, comme entraîneur, puis comme père aussi, hein, c'est des fois, c'est assez... Grosse nouvelle au niveau junior, les Sabres d'Aubervilliers n'ont plus d'entraîneur-chef. Patrice Gagnon a démissionné au cours des derniers jours à la tête des Sabres d'Aubervilliers. On connaît pas les raisons principales qui ont fait en sorte que Patrice Gagnon a démissionné. Quoi qu'il en soit, on va l'avoir dans la section entrevue de danazosport.com au cours des prochaines journées. Le classement POC, selon le site internet classementpoc.com, au niveau bantam, les Sabres de Roberval sont en 55e rang, les Hurricanes de Mastouillage sont en 56e place et les Ambassadeurs de Chibougamau sont en 77e rang. Niveau maintenant du côté midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien en 2e place, les Ambassadeurs de Chibougamau en 17e rang et les Castors de Delbeau occupent le 78e rang. Et au niveau junior, les Sabres de Roberval sont au 43e rang, mais ils sont devancés dans le secteur par les Épervilliers normandins qui occupent le 20e rang. Maintenant, le Super Bowl s'en vient à très grand pas et comme à tous les années, ben, l'organisation du comité du Super Bowl d'Alma a présenté hier les grandes lignes de cette grande fête qui sera célébrée le 4 février prochain à la Cage au Sport d'Alma sous la présidence d'honneur d'André Tremblay qui a déjà porté les couleurs des Genoux d'Alma comme entraîneur. Et bon an, mal an, ben 250 000 $ ont été remis depuis la fondation de cette année aux équipes du football dans le secteur d'Alma. Il en coûte 40 $ par équipe pour s'inscrire. L'activité va commencer à 13h à la Cage au Sport d'Alma. Et ça va commencer avec le match entre les Ducks Anaheim et le Canadien de Montréal. Et évidemment, le Super Bowl. Une page Facebook a été faite au nom du comité du Super Bowl d'Alma. J'invite à écouter la section entrevue de danazosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Gilles Péloquin qui rencontre un terrible drame qui est survenu du côté des éperviers de Sorel. Également, vous pouvez écouter une entrevue que j'ai réalisée hier aussi avec Joël Gagné, l'entraîneur-chef de Mélina Perron en curling. Et vous pouvez également écouter les autres entrevues dans la section entrevues de danradiosport.com. Le sport local et régional à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.